L'Institut pour la réunification de la patrie a publié le 25 le livre blanc pour dénoncer la situation lamentable de l'armée sud-coréenne corrompue davantage à cause de la traîtresse Park Geun-hye. Le livre blanc la dénonce comme armée fantoche craignant la guerre, tas de soldatesques ressemblant à la traîtresse de rénovation corrompue et bande de mafias gigantesques formées par la descendante du régime de rénovation pourri. Il indique que la Corée du Sud est devenue l'exposition des armes de ferraille américaines, alors que son armée est condamnée comme camp de concentration sans barreau et champ de violation des droits de l'homme autorisés, et de continuer. Au lieu de tirer la leçon de la fin de Park Geun-hye condamné sévèrement par le peuple à cause des provocations ultra-géantes et exercices militaires contre le Nord, les bellicistes tels que le ministre de la Défense Han Ming-gu fomentent le climat de guerre en parlant même aujourd'hui de punition et de déclenchement de la guerre. Si une guerre éclate, les soldats sud-coréens tourneront leurs fusils en premier vers la bande des traîtres de Park Geun-hye incapables comme Han Ming-gu.